Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce 7e épisode d'ActuVu, le podcast de l'EJT qui résume pour vous l'actualité de la semaine passée. De quoi bien préparer vos concours d'entrée aux écoles de journalisme ou tout simplement pour assouvir votre curiosité. Aujourd'hui, préparez les surligneurs. En France, Maëlle nous explique la crise sanitaire que traverse le monde agricole avec la dermatose nodulaire dans les élevages bovins. Corentin prend ensuite le relais avec l'actualité internationale, avec notamment l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir au Chili. Du côté économie et société, Lina traite l'actualité parlementaire au sujet du fameux budget de la Sécu. Pas de répit pour Corentin qui revient pour une seconde chronique, celle du sport. Pas d'actu culturel cette semaine, remplacée par les affaires judiciaires du foot et du rugby français. Une nouvelle chronique ensuite, Lubna et Nina vous expliquent ce qu'il faut savoir pour bien préparer les écrits. Et enfin, c'est au tour de l'EJICAM de se présenter, la 7e des 15 écoles reconnues par la profession. Mais d'abord, commençons tout de suite avec les brèves de la semaine, le condensé d'actualité sur les sujets les plus chauds, présenté par Nina. Et cette semaine, Nina, que faut-il retenir de l'actualité des derniers jours ? Une attaque terroriste et antisémite a fait 16 morts, dont l'un des deux assaillants, sur la plage de Bondi en Australie. L'attaque s'est déroulée alors que des personnes de confession juive célébraient le début de la fête Hanouka, la fête des Lumières. Hollywood est en deuil, le réalisateur Rob Reiner et son épouse Michelle Singer ont été retrouvés sans vie dans leur résidence de Los Angeles. L'homme de 78 ans est notamment connu pour avoir réalisé « Quand Harry rencontre Sally ». Leur fils Nicole Reiner est suspecté d'être l'auteur du meurtre de ses parents. Un mouvement de grève frappe le Louvre. Les raisons pour lesquelles les syndicats ont appelé les salariés à la grève sont multiples. Sous-effectifs, dégradation de l'édifice, hausse des tarifs pour les visiteurs non européens. Le musée le plus visité de France enchaîne les déconvenues. On se souvient du vol des bijoux en octobre dernier et plus récemment des inondations. Il a rencontré un succès mondial. Le jeu vidéo français Clair Obscur Expédition 33 a raflé 9 récompenses aux Game Awards à Los Angeles. Il a été créé par un studio indépendant montpelliérain. Petit tour européen maintenant, en Bulgarie, ils étaient des dizaines de milliers de manifestants à avoir battu le pavé dans les rues de Sofia. Ils y ont dénoncé la corruption qui gangrène le pays le plus pauvre de l'Union européenne, une action qui a porté ses fruits puisque le Premier ministre Rosen Zelyaskov a fini par démissionner. Les avoirs russes gelés reviennent sur le devant de la scène. Zelensky est actuellement à Bruxelles pour discuter avec les 27. Le Premier ministre polonais Donald Tusk appelle à utiliser ses avoirs pour soutenir financièrement l'Ukraine. L'avancée des négociations autour du plan de paix sera surveillée pendant les fêtes. Est-ce que l'Ukraine finira par céder ses territoires occupés face aux pressions américaines ? Merci Nina pour ces brèves. Nous passons ensuite à Maëlle pour sa première chronique dans ActuVu, félicitations. Il nous parle de la dermatose nodulaire qui impacte le secteur de l'élevage. Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi, mais qui elle est celle-là ? Quelle indignité. Abattage, colère agricole et routes bloquées, une crise sanitaire s'invite dans l'actualité cette semaine. Depuis plusieurs jours, la dermatose nodulaire contagieuse inquiète les éleveurs. Cette maladie virale touche les bovins, provoque fièvre et nodules sur la peau. Elle n'est pas dangereuse pour l'homme, mais ses conséquences peuvent être lourdes pour une exploitation. Tout a commencé avec l'abattage de plus de 200 vaches la semaine dernière dans une ferme en Ariège, une décision qui a choqué le monde agricole et déclenché une forte mobilisation sur le terrain. Et comment réagit l'État ? Eh bien, sur le front sanitaire, l'État maintient une ligne très ferme. Abattage des troupeaux touchés, zones de surveillance et vaccination. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a confirmé le déblocage de 750 000 doses de vaccins pour tenter d'endiguer l'épidémie au plus vite. Mais la colère ne s'arrête plus aux frontières du Sud-Ouest. Ce jeudi, la mobilisation s'étend à toute la France, avec des actions signalées des Alpes jusqu'aux portes de Paris. La colère gagne même Bruxelles, avec des centaines de manifestants qui siègent devant le Parlement européen en plein sommet. Face à cette radicalisation, la FNSEA a lancé un appel au calme ce jeudi, espérant éviter un blocage total du pays. Pourtant, sur le terrain, la tension reste vive, avec déjà plusieurs milliers de vaches abattues. Les agriculteurs multiplient les barrages sur les routes et les voies ferrées. Un bras de fer qui menace de perturber sérieusement les déplacements à l'approche des fêtes de fin d'année. Surtout qu'en parallèle, la grippe aviaire continue de mettre à mal le secteur de l'élevage. Merci pour ces précisions, Maëlle. On passe ensuite à l'international, avec Corentin. God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I have a dream. Be you. Be proud of you. C'est une première au Chili depuis 1990. L'extrême droite a fait son retour au pouvoir. José Antonio Kast, admirateur d'Augusto Pinochet, est le nouveau président du pays d'Amérique du Sud, Corentin. L'alternance continue au Chili. Depuis 2005, la droite et la gauche se succèdent au pouvoir. Mais depuis la fin de la dictature de Pinochet il y a 35 ans, l'extrême droite en avait été exclue. Malgré cela, l'ombre du dictateur n'est jamais vraiment partie. Et l'un de ses admirateurs a été consacré le 14 décembre en accédant à la présidence. José Antonio Caste n'a jamais caché son admiration pour Pinochet, déclarant même en 2017 « Si Pinochet était encore en vie, il voterait pour moi ». Le passé refait ainsi surface et au-delà de l'orientation politique de Caste, il y a une nouveauté avec son élection. Il devient le premier président chilien à avoir voté pour le maintien de Pinochet au pouvoir en 1988. C'était à l'occasion du référendum qui a mené à la fin de la dictature du général. À Hong Kong, la répression des pro-démocraties s'accélère avec la condamnation de Jimmy Lai. Le milliardaire pro-démocratie a été officiellement reconnu coupable d'atteinte à la sécurité nationale. La justice s'est notamment appuyée sur la loi sur la sécurité nationale de 2019 pour reconnaître des faits de sédition et de collusion avec l'étranger. Détenu depuis 2020, l'homme de 78 ans ne connaît pas encore la durée de sa peine, qui sera dévoilée ultérieurement. Cette condamnation s'inscrit dans un mouvement plus large de répression des mouvements pro-démocratie au sein de cette région administrative censée être autonome. Dans le même temps, le Parti démocrate, plus ancien parti pro-démocratie de Hong Kong, a annoncé sa dissolution à cause de l'environnement politique, sans donner plus de détails. Déjà en septembre, les élections municipales n'avaient attiré que 700 000 électeurs sur les 2,45 millions d'inscrits, soit à peine 30% de participants. Aux législatives début décembre, rebelote avec l'élection d'un parlement pro-Pékin, un scrutin joué d'avance car les candidats en lice ont tous été jugés comme étant patriotes par le comité électoral, comprenez pro-Pékin. A noter que depuis cette fameuse loi sur la sécurité nationale en 2019, l'indice de démocratie de Hong Kong diminue au point d'être désormais considéré comme un régime hybride. En plus de l'actualité géopolitique, il faut également se pencher sur l'actualité parlementaire. C'est chose faite avec la rubrique Éco-Société de Lina. On en a beaucoup parlé et on continue cette semaine, probablement pas pour la dernière fois. Le budget de la Sécu vient d'être définitivement adopté mardi, on fait un point complet de tout ça. Un grand mot que l'on sait important, le budget. Mais depuis quelques semaines, on parle de plusieurs budgets, la Sécu, la Défense, l'État. La semaine dernière, après des tensions dignes d'un film hollywoodien, le budget de la Sécu, le PLFSS que Jean-Côme avait détaillé dans l'épisode précédent, était voté à une faible majorité. Un tour de bras pour le cornu qui avait promis de ne pas utiliser le 49-3, au contraire de ses prédécesseurs. Mais le Sénat le rejette quelques jours plus tard, réécrit la copie et la renvoie à l'Assemblée. Cette fois-ci, c'est bon, l'Assemblée valide mardi le budget de la Sécurité sociale, la santé continuera à tourner en 2026, avec notamment la suspension de la réforme des retraites. Mais maintenant, la grande inconnue, c'est la copie du projet de loi de finances, le PLF. L'Assemblée nationale l'avait rejeté en première lecture, pourtant quelques semaines plus tard, lundi, le Sénat l'approuve. Plus simplement, qu'est-ce que le projet de loi de finances ? C'est un peu le portefeuille que l'État s'attribue chaque année pour ses différents projets. Comme vous avez un budget, loyer, courses, sport, vêtements, l'État se donne un montant prévisionnel. Où va l'argent des impôts, fixer des emplois étatiques, définir des objectifs des ministères, supprimer ou créer des programmes. Et le but, c'est de ne pas être à découvert. Chose rare, seuls quelques pays en Europe sont en excédent, le Portugal, l'Irlande, le Danemark, la Grèce et Chypre. Le projet de loi de finances met toute une année à être élaboré et doit être présenté en octobre et adopté avant le 31 décembre. Sinon, l'administration française tourne son budget, et comme dans la vraie vie, si on ne sait pas ce qu'on a dans son portefeuille, ça bloque. Et pour l'instant, où en est-on ? Le but du gouvernement était de réduire le déficit de 5,4% en 2025 à 4,7% en 2026, mais avec la réécriture du Sénat et les modifications qui ont permis d'adopter le PLFSS, on partirait plutôt sur 5,3% de déficit. Pour l'instant, rien n'est définitivement voté, le projet repart en étude à l'Assemblée. Les députés vont sûrement passer les fêtes à la capitale. Merci Lina pour ces précisions. Le feuilleton du budget au Parlement est loin d'être terminé donc. Revenons avec Corentin, cette fois-ci pour l'actu sportive, ou plutôt l'actualité judiciaire du sport français. Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi tu me parles pas d'âge. I recoup the ball. C'est la fin d'un long feuilleton. Kylian Mbappé a obtenu gain de cause devant le Conseil des Prud'hommes. 61 millions d'euros, voici la somme astronomique que le PSG va devoir payer à son ancien joueur. Alors, par rapport au montant initial réclamé par Mbappé, ça peut sembler dérisoire. L'attaquant du Real Madrid réclamait 263 millions d'euros. Le PSG en réclamait lui 440 millions et a été débouté de toutes ses demandes. Cela faisait plus d'un an et demi que les deux parties étaient en conflit. Kylian Mbappé demandait le paiement de salaires et de bonus qui ne lui auraient jamais été versés, chose que le Conseil des Prud'hommes a donc confirmée dans son jugement. Le PSG poursuivait lui différentes demandes reconventionnelles à l'encontre de son ancien joueur. Le club de la capitale a déclaré se réserver le droit de faire appel, tout en assurant qu'il exécutera le jugement. En cas d'exécution de ce jugement, donc, selon Feuilleton, prendrait définitivement fin. Un autre feuilleton qui a pris fin, c'est celui de l'affaire Jaminet. Pour le Stade toulousain, ce sera 2 points de pénalité retirés au classement du top 14, plus 2 avec sursis, le tout assorti d'une amende de 45 000 euros, dont 15 000 avec sursis. Cette sanction, infligée par le conseil de discipline du rugby français, fait suite à l'affaire du transfert de Melvin Jaminet depuis Perpignan au club toulousain. L'international français avait payé lui-même les 450 000 euros de sa clause libératoire en 2022 pour rejoindre Toulouse. Ce stratagème avait permis d'éviter l'inclusion de ce montant dans le plafond salarial prévu par le top 14. Le club haut-garonnais avait déjà réglé une contribution à la Ligue nationale de rugby en mars à hauteur d'1,3 million d'euros pour avoir manqué aux règles de plafond salarial en vigueur. Merci Corentin. Cette sanction aura peut-être un impact sur la saison du Stade toulousain. Alors, chers auditeurs, soyez attentifs. Nous en reparlerons probablement d'ici la fin de la saison de top 14. Nouvelle chronique aujourd'hui, pas de recommandations littéraires et cinématographiques pour aller plus loin dans l'actu, mais bien des conseils journalistiques. On voit ça tout de suite avec Nina et Loubna. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colline, c'est quoi ton journal préféré ? Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ? À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. Les épreuves écrites ont déjà commencé pour certaines écoles. Nina et Loubna, vous avez quelques conseils à donner aux auditeurs qui passent les concours. Première chose, retenez que nos conseils sont purement subjectifs. Ok, on a tous fait les concours, mais c'est vraiment quelque chose pour vous aider. Faut pas prendre tout ce qu'on dit pour argent comptant. Alors déjà, un conseil pour les révisions en général. N'hésitez pas à varier vos sources d'informations. Ne vous basez pas juste sur Hugo Décrypte, mais écoutez la radio, regardez le 20h, lisez un petit article de presse. Et deuxième conseil important, faut pas hésiter à prendre contact avec nous, des étudiants dans les écoles. On est tous passés par les concours et en général, on vous aide avec plaisir. Pensez aussi aux portes ouvertes, il y en a en ligne ou sur site en fonction des écoles. Donc pour ceux qui peuvent s'y rendre, c'est vraiment top. On avait aussi quelques conseils pour les dossiers d'inscription et pour les épreuves écrites. Première chose, le CV, c'est hyper important. Parfois, on n'y pense pas forcément, mais faut vraiment le personnaliser. N'hésitez pas à indiquer que vous candidatez aux écoles reconnues par la profession. Faut pas faire votre CV pour un job étudiant. Et aussi, ne vous survendez pas. On a vu ça l'année dernière quand on faisait des euros blancs. Il y en a qui se présentent en tant que journaliste et ça peut faire un peu tiquer parce que vous entrez dans une école pour apprendre. Donc oui, même si vous avez de l'expérience, vous n'êtes pas journaliste. Vous pouvez être conscient des enjeux et de la difficulté de la profession. Et ça, c'est important à mettre en avant. Mais voilà, tout en douceur. Ouais, tout à fait. Et pour rebondir sur le CV, si c'est possible, vous pouvez essayer de vous différencier. Si vous avez un hobby un petit peu original, un peu particulier, n'hésitez pas à le mettre en avant. En revanche, ne vous inventez pas une vie. Si votre projet vous paraît peu original ou ordinaire, c'est pas grave. Il faut rester sincère et n'oubliez pas que tous les projets sont intéressants. Pour les épreuves écrites, faut pas penser toujours trop original. Ça peut être très bien d'avoir un sujet qui sort un peu des sentiers battus, mais c'est surtout la faisabilité du reportage ou de l'enquête, etc., qui est important. Donc voilà, pensez plutôt à qui interviewer, dans quel contexte, pour quelles questions spécifiques. Et aussi, pour la rédaction, toutes les phrases doivent être utiles. Faut pas faire des signes pour faire des signes. De toute façon, en général, on a souvent moins de signes dont on a besoin. Oui, tout à fait. Et puis aussi, je rajouterais qu'il faut se faire relire par d'autres gens. Nous, effectivement, quand on faisait les oraux blancs et qu'on voyait un peu les épreuves écrites, ça nous arrivait de voir beaucoup de fautes d'orthographe. Faites très attention à ça. Relisez-vous plusieurs fois et faites-vous relire quand c'est possible. Et pour finir, pour la culture générale, il faut ne pas stresser tout de suite parce que c'est pas nécessaire de tout connaître de ce qui se passe maintenant dans l'actualité. Nous, à ActuVu, on vous fait des récaps grosso modo de ce qui se passe et il faut connaître. Mais pour le moment, le plus important, c'est peut-être les gros dossiers de l'année. Donc on va dire que pour le moment, c'est narcotrafic, toujours Gaza, toujours l'Ukraine évidemment. Les municipales, ça sera un gros dossier de l'année 2026 évidemment qu'il faudra connaître, notamment dans les villes où vous passez des écoles. Mais voilà, ne vous stressez pas à devoir tout apprendre maintenant sur les moindres faits divers qui peuvent se passer, etc. Merci à vous deux pour vos conseils très utiles et bon courage à ceux qui passent les concours. On vous refera un point conseil pour les oraux et le dossier de l'OJT en temps et en heure. Avant de conclure cette émission, c'est au tour de mettre en avant l'école de la semaine. Et aujourd'hui, c'est Emilien Austin qui s'en charge. Il est élève en Master 2 à l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille. Alors Emilien, que faut-il savoir sur l'OJICAM ? C'est une école où on est assez sur le terrain, surtout en première année, où on apprend vite à être sur le terrain. C'est des enseignements qui donnent beaucoup à voir des différents genres journalistiques, beaucoup de télé, radio, très vite. Et moi, je dirais pour les aspects négatifs, parfois on est un peu trop autonome, entre guillemets, ça manque d'encadrement parfois, je trouve, voilà, c'est mon avis. Voilà, je dirais ça. On manque d'accompagnement sur certains projets, tu vois, par exemple les bourses, c'est pas trop ça en deuxième année. Merci Emilien, et c'est la fin de ce 7e épisode d'ActuVu. Fête de fin d'année oblige, nous nous absentons des ondes pour les 2 prochaines semaines, mais pas de panique. Nous serons de retour en 2026, dès le samedi 10 janvier, pour vous résumer l'actualité. Merci beaucoup à Maël, Corentin, Lina, Nina et Loubna sur le plateau, Maël Landriot dans l'ombre pour l'écriture des brèves à fluoter, et Zoltan à la régie et au montage. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés en 2025. Passez de bonnes vacances, joyeux Noël et bonne année !